Surfing. Vrai hip hop, parfum mélancolie. Va de hip hop à une dent de folie. Juste du conscient, pas drap, semi-glory. Mat les grattes, c'est juste le faux rime. Faut rajouter, ça va rien te coûter. Tu n'as qu'à écouter les rimes s'accoupler. Alors ça te plaît, les critiques vont s'écourter. Respect hip hop, amour, unité, paix. Le rap m'a pris mes matrices. Quand j'ai appris et compris que beaucoup trop d'artistes s'agrippent à l'unique éthique du fric. Ma zig n'incite pas ce genre de principe. Faut qu'ils comprennent que le rap je l'aime. Pas la peine qu'on m'apprenne que ça gêne. Tant mieux je m'en imprègne, sinon my man. Plus qu'à attendre que la mort m'emmène. J'aimerais pas qu'on prenne ma liberté. La seule solution serait de déserter. Pas la peine de disserter, je reviens faire du gros son derrière, sans refrain frère. Avec ce cœur de pierre, sans sa perle, sans espoir mais qu'espère un gros salaire. À celle qui cassera ce cœur si dur, elle aura intérêt à être assis. À cette heure les meufs je m'en tape. Gros sans misogynie, au figuré comme au propre. Là mon passe au dessus, sale bab. Je préfère rester posé et manger mon kebab. Mater le genre humain en train d'acheter. Encore et toujours pour des produits à jeter. Ignorant des réalités, c'est la merde qu'on frôle. Je suis un de plus à le dire en direct de ma piole.